Rebonjour. Bon, ben, oui, il y a eu un téléphone. C'était pour un rendez-vous pour le show, là. Il s'est encore battu. Donc, bon, ça a donné un petit peu de temps du monde à mettre des commentaires. Donc, je vais regarder ça. C'est ça, quel fun, là, d'avoir été coupé. Je peux revenir, puis tant qu'à faire. John Delmotte, tant que vous restez sur vos ressentis, c'est parfait. Il n'y a pas lieu de faire le contraire. Merci pour le partage. Ben, mes ressentis. C'est pas juste ça, là. Mariana. J'ai pas vu beaucoup de vidéos de BDM, mais peu. Ce que j'ai vu, je savais déjà. Je vois plus en plus de monde qui se sont accaparés BDM pour se faire connaître dans le monde. Et augmenter son ego, son fameux ego. Ben, ça dépend, là. Je vois aussi beaucoup de monde qui répète les mêmes mots que BDM, comme si des gens ils sont incapables d'utiliser ses propres mots. Moi, c'est parce qu'au niveau de la terminologie, ça prend une terminologie. Bernard, il en a donné une. Ça veut pas dire que le monde. Mais ça dépend, là. C'est vrai que des fois, BDM, ça devient pire qu'une secte. Non, c'est pas. Je généraliserai pas, là. Ça me fait penser à Nikola Tesla comme la dame à Paris, Vesna. Elle a utilisé le nom de Tesla pour son propre intérêt. Je trouve ça vraiment minable. Des gens, ils sont incapables d'être eux-mêmes. Ils n'ont aucune personnalité. C'est vraiment triste. Tu sais, je dirais pas ça parce que c'est lié à la personnalité, ces affaires-là. L'affaire, c'est est-ce qu'il y a une identité? C'est plus ça, là. La personnalité, c'est lié à l'inconscience. Dans le fond, là. Si je vois que je suis bloqué, je quitte la chaîne comme chez Glenou, Pierre ou n'importe qui. Des jeunes se donnent trop d'importance. Bon, moi aussi, j'en ai coupé du monde. Merci pour le partage. Puis plus j'observe, plus je vois des dérives dans le supramental. C'est vraiment dommage. Moi, d'un autre côté, c'est parce que si on se met à pointer du doigt, dire ça, c'est des dérives. Ça devient ça aussi une dérive. Hein? Normalement, intelligent, ça devrait servir pour avancer, pas pour s'enrichir et agrandir. C'est pas nécessairement ça moi, que je déplore, là. Augmenter son ego. Même pour. Je le vois. En tout cas, il y a du monde qui vont devenir riches. Je ça, je suis pas sûr. Hein? J'en ai côtoyé du monde dans le supramental, ils sont loin d'être. En tout cas, c'est du cas par cas. Hein. Bon, il y a Cellular. Bon, quand on peut voir Pierre, Rio, Pelche et Glenn, c'est décourageant. J'irai pas jusqu'à dire ça. Pourquoi? Parce que, veux pas, ça sert pareil. Tout sert, là. Là, de là, être découragé. Pierre Riopel, il a fait un gros travail, pareil. Puis Glenn, c'est lui qui a introduit un BDM, pareil. Noé, bonsoir, réponse, merci. Franchement, c'est normal qu'il y ait des formes, qu'on s'aborde, puis réguler l'énergie, si on peut dire, mais c'est pas un propos en soi, là, surtout si vous vous répondez vous-même. Donc, je vais être obligé de le réouvrir, je me rappellerai de rien. À un moment donné, on en parlera, voir c'est-tu souhaitable, ces affaires-là. Je souhaite pas ça à personne, des phénomènes psychiques de même, dans le fond. Hein? Ok, monsieur Delmotte, le temps que vous restez sur vos ressentis, c'est parfait, c'est pas une affaire de ressenti. Tant que ça, là, c'est pas une question, c'est une question de perception, pas de. Marie-Jeanne, là, l'affaire, moi, c'est comme je vous dis, comme je vous ai dit, là, l'affaire, mais il y a pas mal d'affaires ensemble, mais c'est pas une affaire, justement, c'est comme quand vous dites, des gens, ils sont incapables d'être eux-mêmes, ils n'ont aucune personnalité. C'est le contraire à mes yeux, ils ont de la personnalité, mais ils n'ont pas d'identité. Mais bon, c'est pas grave, je parle de personne en particulier. Même si on peut pas dire une majorité. Puis là, Cellulaire, bon, Pierre Riopel, c'est pas décourageant. Moi, je trouve qu'il passe chez BDM. Chez BDM, chez Glenn. Je vois pas le problème. Dans le sens que, bon, c'est quand même par ça que ça a passé au début. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est bien que, je veux dire, ça pourrait. L'important, c'est pas où que ça passe, c'est. La qualité. Dans le sens que il y a du monde qui vont découvrir BDM par ça. Puis après, ça juste, va juste avoir été des messagers. C'est ça un peu le but, supposément. Parce que là, dans le cas de Glenn, je sens pas les mêmes affaires par rapport à Glenn qu'à Monsieur Riopelle. Mais je vois pas de problème. C'est pareil comme Mona Hébert a passé, me semble, chez Glenn. Puis c'est bien correct. C'est pas grave. L'affaire, là, aussi, là, bon, c'est parce que le monde, ils ont pas de personnalité ou ils manquent de personnalité. Non. Justement, c'est le problème. Ils manquent d'identité, là, où je suis d'accord. Ils manquent d'identité. C'est pour ça que les affaires collectives, un individu, oui, il peut se créer. Il peut, comment je pourrais dire ça, se densifier dans l'éther. Un corps pour un passage pour de l'information qui est moins liée justement à sa personnalité, ce qui est bon, mais collectivement, est-ce que c'est faisable ça? C'est là où moi j'accroche, là, dans le sens que ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des dérives, ça veut pas dire que c'est des dérives, là, ce que vous me parlez là, c'est pas nécessairement de ça que je parle, là. Je parle d'affaires qui sont pas là encore. Dans le sens que, bon, je vois. La table est mise pour. Puis, même Bernard, quand il dit il y en a, ils vont en faire une religion, il savait qu'il mettait en place des choses qui rendaient possible qu'après des gens en fassent une religion. C'est pour ça que, par rapport à tout ça, tout ce milieu-là, tout le côté social qui est lié à ça, je me suis tout le temps tenu à ça en retrait, même j'en ai connu du monde dans le supramental, pareil, là, puis pas les moindres. Puis c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois dans les commentaires, il y a du monde qui vont devenir riches grâce à BDM. Ça me fait rire un peu dans le sens que c'est pas ceux-là qui sont importants. Aussi, il y a des gens, ce qu'on pourrait appeler, qu'est-ce qui était dit comme. Les adeptes de l'astral, ou des gens qui sont purement psychologiques, mais qu'en même temps, bon, c'est un. Ils ont une personnalité de cynique un peu. J'en vois pas de problème à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. C'est pas le monde qui vont récupérer puis essayer de faire de l'argent avec BDM, le problème. Le problème, c'est le monde qui vont. Un instant, là, ce sera pas long. OK. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est le monde qui vont y croire, pas le monde qui y croiront pas pour s'en servir. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est le monde qui vont croire. Dans le sens que le problème, il va tout le temps avoir du monde pour récupérer, c'est comme n'importe quoi, c'est comme des parts de marché, c'est comme n'importe quoi. Le problème, c'est le monde qui vont les croire. Pas le monde qui vont. Dans le sens que le matériel, il est fait pour défaire ces affaires-là. C'est pas le meilleur produit pour quelqu'un qui veut venir riche en servant de la crédulité des autres. Il y en a, ils vont se mettre en danger. Ils vont se mettre en danger. C'est pour ça que l'affaire des micro-sociétés au niveau du supramental, je trouve ça, c'est difficile à concevoir. Quand c'est un paquet de monde, justement, qui sont dans le psychologique, c'est leur personnalité qui mène. Qui forment des collectifs, puis tout, puis ont des doctrines communes, puis tout, ouais. Mais une micro-société, c'est-à-dire des gens qui seraient en voie d'individuation, puis tout, les échanges d'énergie vont être pas mal plus durs, vont être pas mal plus rough, violents, dans le sens que, quand je parle des échanges d'énergie, dans le sens de. C'est pas nécessairement les formes que ça va prendre, mais ce qui va être échangé, ça va être en grosse quantité, ça va être des fortes, des identités individuées qui essaient de collaborer. C'est-à-dire, est-ce que C'est facile construire un corps collectif dans de l'astralité, mais construire un corps collectif dans plus élevé que ça, dans de l'éther, si on peut dire, ça, moi, j'ai jamais vu ça. Il n'y a même pas d'exemple de ça dans l'histoire. Pas encore. Je suis sceptique, c'est ça que je veux dire. Je suis sceptique, puis les vieilles formes évolutives, sociales, psychologiques, collectives, le côté ethnologique, le côté. Bon, ben ça, c'est ironique de voir quelque chose comme ce genre, quelque chose comme le supramental. Plus je parle même pas le matériel comme Bernard, je parle le phénomène. C'est ironique d'avoir un phénomène comme ça qui va être récupéré puis descendu à un autre niveau pour il va être récupéré par des structures qui étaient censées dissoudre au niveau individuel, mais c'est sûr qu'au niveau collectif, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Donc, c'est ironique d'avoir des forces évolutives qui vont prendre des formes qui ont été densifiées pour le dissoudre ça. Dissoudre l'évolution. L'évolution va récupérer des affaires qui étaient faites pour la dissoudre. Pourquoi? Parce que le côté évolutif, à ce niveau-là, il est individuel. Donc, ça ne peut pas passer dans des forces collectives sans évoluer. Ça ne peut pas être récupéré par le collectif sans être descendu de fréquence, un peu descendu plus bas. Moi, je le vois réellement comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il va y avoir des dérives, ça n'a pas le choix. Qu'il va y avoir différentes affaires, qu'il va. L'affaire, moi, que je dis, c'est. Il va y avoir une séparation, un cloisonnement entre ceux qui vivent le phénomène au niveau de leur individualité, puis ceux qui vont avoir été récupérés, puis qui vont vivre d'autres formes qu'eux autres sont créées pour les collectifs. C'est pas la même expérience, là. C'est pas la même affaire, c'est pas le même phénomène. Puis possiblement qu'il y a des gens qui vont avoir vécu les phénomènes individuellement qui vont être amenés à être coupés. Ironiquement, par des formes rattachées à ces phénomènes-là, ils vont être amenés à être coupés des phénomènes qu'ils vivaient individuellement parce que sans s'en rendre compte, ils vont s'astraliser par le collectif. C'est pour ça que je me suis jamais impliqué ben. Puis je tiens à rester à part. Puis aussi, je tiens le monde un peu loin, à distance. Je m'implique pas vraiment. Mais je parle pareil. Moi, où j'ai un découragement, c'est au niveau de ce qui n'est pas vu, justement. De ce qui n'est pas vu par rapport à tout ça. Dans le sens que l'instruction a décrit une façon de se positionner. Pas vraiment de se positionner, mais d'être en état de réceptivité, puis de voir par soi-même. Puis finalement, il y a des choses, oui, il va y avoir des. C'est sûr qu'il va y avoir des choses plus tard qui vont arriver, qui vont être déplorables. Puis ça va être lié justement à ce qui n'est pas vu. L'idée que Pierre Riopel-Schegline, c'est décourageant, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si on regarde au-delà de la forme, puis qu'on dépolarise, on se rend compte, ben, ça parvient à ses fins, dans le sens que ça peut amener des gens spiritualisés ou astralisés, justement, qui sont la clientèle de M. Glenn. Il y a beaucoup de monde de même qui font partie de sa clientèle. Que ces gens-là, peut-être, vont être amenés à BDM par ça, puis finalement, ils vont se dé. C'est comme Madame Kuzmanovic. Vous me dites, j'ai pas vu beaucoup de vidéos de BDM, mais ce que j'ai vu, je savais déjà. C'est pas l'affaire des vidéos, surtout des audios, dans le fond, qui ont été laissés. Qui sont accaparés BDM. C'est pas que les gens se sont accaparés BDM, c'est que BDM, il a été récupéré, puis qui est devenu des formes qui s'accaparent l'identité du monde, ou même qui vont l'empêcher d'éclore. Si BDM, ça devient une sorte de doctrine ou de religion, ça va faire le con. Au niveau collectif, ça va faire le contraire de ce à quoi ça sert, mais ça ne l'empêchera pas nécessairement d'accomplir sa job au niveau individuel. C'est juste que ça va être une minorité. Mais c'est le même dans toutes. C'est le même dans toutes. Toutes les grands, les grandes affaires qui ont été données à l'humanité. C'est tout le temps une minorité qui a accès, dans le fond, même quand une fois que ça fait partie de la culture populaire, puis qu'une majorité de monde qui ont accès, c'est tout le temps une minorité pareille qui va intégrer. C'est tout le temps récupéré pareil. On n'a pas le choix. Ça fait partie des lois, justement, décrites. Puis qu'après, on peut constater. Donc, je vois aussi beaucoup de monde qui répète les mêmes mots qu'à BDM. Là, comme je disais, c'est parce qu'il y a le saint lexique qui est utile, parce qu'il y en avait. Il y a certaines affaires qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de lexique. Mais là, c'est sûr, quand il sort des affaires comme le foral, puis ces cossins-là, je décroche un peu, là. Dans le fond, on va prendre les formes qui sont ajustées. C'est tout le temps une question de. BDM, ça devient pire qu'une secte, là, je suis pas d'accord. Mais ça pourrait venir qu'une des sectes. C'est sûr. Ça me fait penser à Nick. Ok, vous parliez. Les gens, ils sont incapables d'être eux-mêmes. Ils n'ont aucune personnalité. Être soi-même, c'est pas lié à la personnalité. Être soi-même, c'est lié à l'être. Il y a des affaires, là. C'est bien dommage, mais. Le monde, justement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité qu'ils pensent que la personnalité, c'est la personne. Il y a une différence entre la personne et la personnalité. Quand vous vivez de la colère, c'est de l'information. Ça passe à travers des couches puis ça se déforme. C'est l'esprit pareil qui travaille. Dans le sens, quand il y a quelque chose qui vous met en colère, c'est de l'information comme quoi qu'il y a de quoi de désajusté. Il y a de quoi de désajusté. Mais il y a une différence entre la colère qui est une manifestation de l'esprit qui travaille, puis la colère qui vient d'en bas. C'est-à-dire que la colère qui vient d'en bas va être liée à la personnalité, justement. Comme un petit enfant, quand sa personnalité elle commence à se construire, puis il va être porté à faire des crises, puis à exprimer des frustrations. Or, ça, c'est pas l'expression de son identité réelle. L'identité réelle, elle, la colère, ça va être différent. C'est pas la même affaire. C'est de l'information pareille. Comme la souffrance psychologique, c'est de l'information. C'est de l'information qui n'est pas intégrée. C'est-à-dire qu'il y a un blocage de l'énergie. C'est des termes, justement, c'est un lexique qui est tellement vague puis large pour le monde, mais c'est tout technique puis pratique, ces affaires-là. Dans le sens que ça dépend, c'est une question d'ajustement. Est-ce que vous êtes ajusté à l'information, dans le sens, est-ce qu'on est objectif? C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde avec la personnalité ou si on regarde avec notre conscience? Parce que faut avoir la capacité d'arrêter de penser pour observer objectivement certaines affaires, c'est-à-dire la personnalité, justement, ça fait, elle vient de la pensée jusqu'à un certain point. Elle s'est construite au fil de la pensée. Que l'individu s'est mis à penser. Que l'individu s'est mis au niveau, justement, de son ressenti, à dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Mais c'est un moi psychologique. C'est un moi référentiel, circonstanciel, lié à de l'information expérimentale, intégrée au sens psychologique, mais pas intégrée au sens de la conscience. C'est-à-dire que c'est votre vécu, vous avez un vécu, c'est votre vécu. Mais il y a une différence entre le vécu puis la conscience de son vécu. Il y a une différence entre ce que vous subissez de l'expérimental, puis la conscience que vous avez de la mécanique de pourquoi c'est comme ça. Puis c'est ça qui va faire la différence par rapport à l'intégration. Si l'expérimental y est intégré ou pas. Puis l'expérimental au niveau de l'intégration, ça va être un phénomène qui est lié à votre conscience, pas à votre personnalité. Si les gens vont chez le psychologue, c'est justement parce qu'ils ont des troubles de personnalité, entre autres. Le psychologue, lui, il va faire une observation clinique, si on peut dire, de votre personnalité, justement. Parce que c'est la partie la plus densifiée de votre psychisme, puis de votre mémoire expérimentale qui s'est densifiée inconsciemment. Donc, justement, ça ne peut pas faire autrement qu'être là-dedans qu'il y a le problème. C'est pour ça que c'est ça qu'il regarde le psychologue. Moi, j'ai bien de la misère avec l'affaire comme la consultation. Pas, je parle pour moi, là, je parle pas pour les autres qui en font, mais moi, je ne pourrais pas en faire. Premièrement, je considère que j'en ai pas la compétence. Mais c'est aussi que par rapport à la consultation, moi, le monde qui a des problèmes ne m'intéresse pas tant que ça. Puis quand vous faites de la consultation, c'est du monde qui a des problèmes souvent qui viennent vous voir. Moi, j'ai pour mon dire, je veux pas. T'sais, j'assigne mes problèmes, puis les problèmes de mon entourage proche que j'ai déjà. T'sais, c'est le monde, justement, au niveau de la conscience, c'est pas le monde qui a des problèmes qui m'intéresse. C'est le monde qui en ont pas. Le monde qui en ont plus, ou qui ont la capacité créative de faire en sorte qu'ils gèrent tellement avec tellement de présence puis d'instantanéité qu'ils n'en ont pas de problème parce qu'ils règlent la mesure. C'est du monde de même qui m'intéresse. Puis, justement, par rapport à ces milieux-là, au niveau des collectifs, les gens qui vont aller vers les uns et les autres, ça va être des gens qui ont des besoins. L'être humain, il a un besoin grégaire animalien de communautariser son expérimental, puis de socialiser son rapport au monde. Puis, au niveau de la conscience, c'est pour ça que. Des individualités, ouais, ils vont échanger entre elles, à un niveau horizontal. Mais dès qu'il va y avoir du collectif psychologique, veut, veut pas, il va se créer des structures verticales. Puis, c'est pas de la conscience, ça. C'est ça, des sectes, dans le fond. Des clics. Des clics, c'est sûr qu'il va y en avoir. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien plus facile de densifier un corps collectif dans le psychologique. Mais densifier un corps collectif dans l'éthérique, avec des gens qui ont des identités très individuées, qui sont beaucoup sortis du psychologique, ça, c'est sûr que ça va brasser, ça va aller vite. Ça va aller vite. Mais à date, j'en ai jamais vu de ça. Peut-être qu'il y en a. Je ne sais pas. Mais à date, ce que je vois, c'est que le rassemblement, les rassemblements, puis le côté grégaire de ça, il n'est pas autour de la conscience tant qu'autour de la mémoire de Bernard de Montréal. Puis il n'est pas tant autour du supramental en tant que phénomène psychique que autour du supramental en tant que phénomène psychologique collectif au niveau des formes, justement. Donc, c'est sûr, j'ai moins d'attrait, en plus, probablement que le monde, il trouverait que je suis plate. Dans le sens que, ben moi, au niveau des mondanités, quand j'étais avec des gens, puis tout, je ne suis pas porté à m'exprimer beaucoup, j'écoute, puis aussi si c'est un repas, puis un souper, je vais être très absorbé par justement, qu'est-ce qu'on me sert, puis qu'est-ce qui se passe, puis je vais être très absorbé. S'il y a beaucoup de gens que je connais pas, justement, je vais être très absorbé à écouter parce que c'est des gens que je connais pas, puis que j'ai jamais vu, puis. Je suis pas dans des soupers, je suis pas le plus volubile. Je suis beaucoup dans l'observation. Puis souvent, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Puis aussi, bon, j'ai été invité à des soupers à plusieurs places. Puis finalement, je suis jamais allé. Pas juste parce que je suis loin, puis que ça devient compliqué, mais aussi parce que. Bon, à chaque fois, je sentais que possiblement, au niveau de ces collectifs-là, il y a tout le temps une ou deux personnes que je le sens, même si je ne les connais pas, qu'ils me sont hostiles. Puis moi, je suis pas porté à rire. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça va être juste de l'inconfort, là. Dans le sens que moi, j'ai pas envie de débattre. J'ai pas envie de débattre. Puis, c'est ça. Donc, c'est sûr que les activités sociales qui sont autour de ça m'intéresse plus ou moins. Surtout que, bon, c'est tellement différent au niveau du contact quand il y a du monde. Dans le sens qu'on reçoit tellement d'informations au niveau de. C'est un peu comme quand je suis allé chez Moreau, il y avait tellement d'affaires. Moreau, il a dû me trouver ben tranquille. J'ai été ben tranquille parce qu'il y a tellement d'affaires qui circulent chez lui. Puis là, je parle entre autres T'sais, même un groupe de personnes qui a moins d'astralité qui circule, je trouve ça quand même pesant. Puis, donc, imaginez même comment est-ce que ça pouvait être là, chez Moreau, qu'il y avait vraiment beaucoup d'affaires. L'ambiance était spéciale. Puis, c'était chargé. C'était super chargé. Donc, je suis toujours un invité, ben, tranquille, puis tout. Mais, je suis sûr que les gens qui étaient là, ils se souviennent pas de moi. Parce que je suis plate un peu. Puis là, j'étais là pour aller écouter Moreau. Puis les gens qui sont là, je les connais pas. Fait que c'est sûr, les conversations, je m'en mêlais pas trop. Puis, mais c'est des gens qui nous ont accueillis très gentils. Mais l'affaire, tu sais, je veux dire, les gens sont toujours très gentils, puis tout. Mais il reste que ça me fait. De me déplacer pour ça fait beaucoup d'énergie. Même j'avais à un moment donné, on pensait peut-être aller voir Sam dans le centre du Québec. Finalement, ça s'est pas fait. Mais pour être bien franc, j'ai pas envie, moi, de me promener. J'ai pas envie de me promener, pour être franc. Les aspects sociaux qu'il va avoir par rapport à ça, c'est intéressant pareil. C'est intéressant pareil. C'est sûr qu'il va avoir une saturation à un moment donné, puis qu'après, il va avoir une épuration peut-être.